production. Comme ça que j'arrive, les mains vides, et je compte repartir avec le jackpot. Provenance de l'Alvec, mon pote, et je compte faire checker les potos. Je voulais surmonter les étapes, mais même étape sur le beat, dépassé par le temps de 008. Je m'annonce comme victorieux, de quoi envier tous les rageux, fuck tous les haineux. 44 ton paix, secteur reste ton paix. Je m'embarque de nouveau sur un projet solo, mais j'oublie pas. Un pro, la bataille sera dure, la guerre sera longue. Je ne vois plus que devant, je différencie plus les bons des méchants. C'est à vos marques réportées, je débarque, la marque est signée. C'est le MARO2, c'est complètement compétent quand il s'agit d'acharnement. À la ZP Kenyo, je dérouille, en V6 catch des boules. C'est l'horrible du monde, la reste de son ferme à l'homme, mon pays, j'glorifie ma vie. Car plus que pour un jour, on s'en fiche, j'glorifie nos quartiers. Glorifie les pas de fils, le même que Rino et Zeta. Je sais, glorifie mon rap, laisse de son ferme à glorifie mon pays, j'glorifie ma vie. Car plus que pour un jour, on s'en fiche, j'glorifie nos quartiers. Je me différencie pas, je veux pas me comparer, je laisse faire l'unitaire, je veux poser, je veux représenter le terre-terre. Désolé, je suis noyé sans maître nageur, je pourrais pas m'en tirer. Mon maman majeur, quand il voit un policier, t'inquiète qu'il est OP. Je lance le top départ, pour moi c'est parti. Je rentre où l'argent et la vie sont mêlés aux ennuis, à fond sur Berry. Ray, moi je viens du Rive, c'est la race barprote. Et ça kiffe, leur regard malveillant, défiant le bien ou le mal. Je me suis rangé, qui sait où ça m'amènerait. J'ai tendu la main, mais j'aurais jamais dû, comme dit si bien ZAI2F. Lâche-moi la main, si tu me corromps pour un paquet de liasses. Laisse-moi avancer seul, ou en mauvaise compagnie. Les regrets se font seulement ainsi. Qui peut prédire, qui peut dire que j'ai revisité la carte de géographie. Je suis tombé sur le continent qu'un prix. Le doigt sur le pays, le doigt sur ma patrie, dans laquelle, Inch'Allah, je finirai ma vie. Ça m'a avéré essentiel de représenter le MAROC. Je glorifie donc ce magnifique pays. Je vis dans un monde accablé de dettes, dans un pays où les rêves se sont construits. Ma vie, je la dois à ma famille. Qu'y a-t-il de plus cher? Je vis à fond les moments présents, car le lendemain, qui sait si la vie est toujours présente. Donc je glorifie ma vie, car coûte que coûte, un jour on s'enfuit. Le quartier est là pour se faire remarquer. À l'époque c'était les 4 carrés, le point de RDP. La H est sacrée, la H est mon quartier, la H est Rincus. Donc je glorifie le quartier. Glorifie ma vie, car tout le monde un jour on s'en fiche. Glorifie le quartier, glorifie le pas de plus de même que Rino et Zeta. Glorifie mon rap, c'est le son fermage. Glorifie le pays, glorifie ma vie, car tout le monde un jour on s'en fiche. Glorifie le quartier, glorifie le pas de plus de même que Rino et Zeta.